إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous allons inchallah continuer les quatre règles, les explications de Cheikh Sarah al-Fawzan, hafidhahullah. Et nous étions arrivés à la troisième règle, juste pour rappel, parce qu'on a eu entre deux le cours qui précédait là sur le statut de l'appel à l'unification des dogmes ou des religions. Donc nous avons vu les il y a quelqu'un qui a le manuscrit là, les quatre règles. Barakallahu fik. Donc on avait vu ce qu'était la Hanafiya, Millat Ibrahim, la communauté d'Ibrahim. La Hanafiya, c'est le fait de vouer un culte sincère pour Allah Azza wa Jal, tout en se désavouant du shirk, de ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et on avait vu en fait que ici ça nous permet de comprendre la aqida, la croyance des mouchriquines. Le fait de comprendre la croyance des mouchriquines, comme ça on va s'écarter de leur croyance, on va s'en désavouer pour s'assurer qu'on ne va pas corrompre notre croyance. Alors on doit savoir c'est quoi. C'est pour ça qu'il commence avec l'introduction, ce qu'est la Hanifiya, Millata Ibrahim, donc le culte qui est voué sincèrement à Allah Azza wa Jal et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Et l'importance qui doit être donnée à cette da'wah-là. Et l'importance qui doit être donnée à cela, pourquoi ? Parce que c'est le message de tous les prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal. Et donc nous avons vu que les mouchriquines, ceux qui invoquent ou associent à Allah Azza wa Jal quelque chose, on avait vu, vous en souvenez, que la première chose, que le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal est le créateur, ça ne fait pas de la personne, c'est pas suffisant. Voilà, ça c'est la première chose. C'est qu'on avait vu dans la première règle, on avait vu dans la deuxième règle aussi, là des points différents. Le premier point, c'est que croire qu'Allah Azza wa Jal est le créateur, eh bien les mouchriquines croyaient en cela. Mais malgré qu'ils croyaient qu'Allah était le créateur, l'unique créateur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, les a invités au tawhid d'Allah Azza wa Jal, parce que ça c'est pas le tawhid dans l'adoration. D'accord ? Ça c'est le tawhid dans la seigneurie, croire qu'Allah est le créateur. D'accord ? Donc se tenir juste au tawhid al-rububiyya, donc c'est pas suffisant pour être un musulman. D'accord ? Deuxième point, c'est quoi ? C'est que les polythéistes et les mouchriquines justifiaient pourquoi ils adoraient les autres choses en dehors d'Allah. C'était pour se rapprocher en fait. Barakallahu fik, c'était pour... Parce que sachant qu'eux, ils croyaient qu'Allah était le créateur, ils aimaient Allah, mais ils aimaient leur divinité comme ils aiment Allah. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ils les aiment comme... ils aiment leur divinité comme ils aiment Allah. Donc au même niveau, d'accord ? Et Allah Azza wa Jal nous dit dans la traduction au sens du verset, mais ceux qui croient ont un amour plus fort en Allah Azza wa Jal. Ils aiment Allah Azza wa Jal au-dessus de tout. D'accord ? Tandis que les mouchriquines, ils aiment Allah, ils disent qu'ils croient en Allah, ils disent que oui, on croit tous qu'il y a un unique créateur, etc. On l'aime, d'accord ? Mais ils aiment leur divinité comme ils aiment Allah, d'accord ? Et ça, c'est du shirk akbar. C'est une des branches du polythéisme majeur, d'accord ? Comme obéir à quelqu'un, comme on obéit à Allah. D'accord ? C'est-à-dire qu'à une personne qui obéira à quelqu'un, à une personne qui va rendre une chose haram alors qu'elle est licite, et la personne obéit, la personne, donc un individu Y va obéir l'individu X, l'individu X a dit telle chose est haram alors qu'elle est licite. D'accord ? Et l'individu Y va obéir à cette personne-là qui a dit que c'était haram alors qu'elle est licite. Eh bien, en lui obéissant, il l'adore. Et ça, ça fait partie du polythéisme majeur. D'accord ? Donc, eux, ils justifiaient ça. Et puis, on avait vu aussi que le fait qu'ils adoraient les autres, donc des créatures en dehors d'Allah, Azza wa Jal, Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Azzawajal. Eh bien, en disant cela, d'accord, le fait qu'ils disent cela et qu'ils invoquent les autres divinités en dehors d'Allah, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient une intercession. Ils voulaient que on avait vu aussi le statut de l'intercession, ils voulaient que ces divinités-là intercèdent pour eux. D'accord? Cependant, quelles sont les conditions de l'intercession? Il y en a combien? La première, il faut que ça soit déjà permis par Allah. Oui. La deuxième, il faut que ça soit plus ou moins un wali, dans le sens qu'il obéit à Allah et qu'il est dans les conditions qui mais c'est quoi un wali? Rapprocher d'Allah. Un bien-aimé d'Allah, oui. Qui sont les awliyas? Il y a plusieurs types. Hein, il y a plusieurs types. Oui, mais en général, qui sont-ils? Les messagers d'Allah. Qui sont-ils en général? En général, qui sont-ils? Les croyants. Après, il y a trois différents types. Ouais, il y a trois types. Les croyants. Oui, mais qui sont-ils, ces croyants? Les qui sont-ils, les croyants? On avait dit, les awliyas, ce sont les musulmans. Oui, avant tout. Hein. D'accord. Vous vous en souvenez dans les six fondements, l'explication de Cheikh Obeid, ouais. Tous les musulmans, ce sont les awliyas d'Allah. Ouais. Cependant, dans les musulmans, il y a différents types de awliyas d'Allah. Tu vois? Al-dhalim li nafsi, celui qui s'oppresse à lui-même, il s'oppresse lui-même. D'accord? Donc, il y a des musulmans qui savent que c'est voilà. Ou des musulmans qui font des péchés ou qui font des choses, donc il s'oppresse lui-même. On est d'accord? Al-Muqtasid, celui qui est sur une voie médiane, c'est-à-dire que donc le premier type là, qui s'oppresse lui-même, c'est l'individu qui fait, les obligations, d'accord? Mais fait aussi des péchés. Il fait aussi des interdits, d'accord? Donc celui-là s'oppresse envers lui-même, d'accord? Il fait des interdits, mais qu'il n'exclut pas de l'islam. D'accord? El-Murtased, celui qui est sur une voie médiane, une voie moyenne, c'est celui qui fait les obligations, délaisse les interdits. D'accord? Et puis, Sabiq bil-Khayrat, c'est celui qui fait les obligations, délaisse les interdits et fait les actes surérogatoires en plus. D'accord? Donc ça, ce sont les différents types. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà, pour ce qu'on avait vu, Inch'Allah, on l'avait bien détaillé dans le cours sur les six fondements. Inch'Allah, eux, ce qu'ils faisaient, c'est que donc, dès qu'ils invoquaient ou adoraient ces autres statues-là, donc, ils cherchaient que eux, c'est-à-dire qu'en invoquant autre Allah, en invoquant leur tombe ou leur, je ne sais pas qui, qu'ils disent que c'est un wali, eh bien, ils pensent que lui, il va intercéder pour eux, envers eux. D'accord? Donc, mais on avait dit qu'il y a deux conditions dans la chafère, dans l'intercession. Tu vois, il faut que d'une part, la première condition, c'est quoi? C'est que d'une part, elle se fait de par la permission d'Allah. C'est Allah Azzawajal qui permet. C'est-à-dire que même le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas intercéder sans la permission d'Allah. La preuve est détaillée dans le hadith qu'on avait mentionné, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un très très long sujoud, où il invoquait Allah Azzawajal, où il louait Allah Azzawajal. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, après ce long sujoud, Allah Azza wa Jal lui dit de lever sa tête et qu'il demande, il sera exaucé, il intercède et qu'il demande donc l'intercession, il intercédera. Donc, Allah Azza wa Jal lui donne la permission d'intercéder. Et la personne qui peut recevoir, donc là, la deuxième condition, la personne qui peut recevoir l'intercession, chafa'a, c'est celui dont Allah est satisfait de ses paroles et de ses œuvres. Celui dont Allah est satisfait de ses paroles et de ses œuvres, celui-là a le droit de bénéficier de l'intercession. D'accord? Donc, permission d'Allah Azza wa Jal, et il faut que l'individu qui la reçoit, qu'Allah soit satisfait de ses œuvres et de ses paroles. D'accord? Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Quiconque peut donc intercéder auprès de lui, excepté de par sa permission, de par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc on comprend que les individus qui vont aller voir les tombes ou qui vont aller voir les qui vont dire que hada c'est un wali ou quoi que ce soit, ça ils font du shirk akbar. Non. Donc comment peuvent-ils avoir l'une des conditions de qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas satisfait du shirk? Allah Azza wa Jalla n'agrée pas le shirk et n'agrée pas le kufr. Donc eux, ils opposent même la condition pour recevoir une intercession. C'est-à-dire que même si, par exemple, Allah il donne la permission au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder auprès de cette personne-là, Non, Allah Azza wa Jalla, il choisit qui a le droit de recevoir l'intercession. Parce qu'il est, il est satisfait des paroles et des œuvres de tel musulman. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, si Allah il donne la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouais. Donc encore une fois, c'est Allah qui passe à travers le professeur Hassan pour choisir... Parce que le professeur Hassan, s'il veut par exemple une de ces personnes, il dit qu'il va intercéder auprès de cette personne-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'intercédera d'une part que par la permission d'Allah et d'autre part qu'à ceux dont Allah azzawajal est satisfait des paroles et des œuvres. C'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima: Ya Fatima, i'amili inni la ughni anki min Allahi shay'a. Ô Fatima, œuvre, car je ne peux être bénéfique en rien auprès d'Allah. D'accord ? Donc, pour que Fatima radiallahu anha reçoive l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait la permission d'Allah azza wa jal, d'une part, et d'autre part, qu'Allah azza wa jal soit satisfait des œuvres de, et des paroles de sa fille. Donc c'est pour ça qu'il lui dit d'œuvrer. Tu vois, barakallahu fik. Donc, le prophète sallam et n'importe qui aura l'autorisation d'intercéder, parce qu'il y a différents types hein, de chafers, il y aura même certains qui pourront intercéder pour leur famille, d'accord. Mais ça, c'est Allah Azza wa Jal qui le permet et c'est Allah Azza wa Jal qui l'autorise à celui dont Allah est satisfait de, des paroles et des œuvres de celui qui pourra recevoir l'intercession par la volonté d'Allah Azza wa Jalla. D'accord, barakallahu fikoum. Donc ça, ce sont les différents points qu'on avait vus. Et on avait vu que la chafa'a à l'intercession, d'accord, ça c'était dans le, à la fin du deuxième, qu'il y en avait une qui était niée, et il y en avait une qui était confirmée. D'accord, celle confirmée, c'est celle qu'on vient de mentionner. D'accord, et celle niée, c'est le fait de croire que, en allant voir un tel ou un tel, c'est lui qui, une tombe ou quelqu'un qui dit que c'est un wali ou je sais pas quoi, qui dit, eh bien lui, il pourra intercéder pour nous, alors qu'il invoque autre qu'Allah, alors que celle qui est niée, c'est celui qui va invoquer autre qu'Allah et qui va croire qu'il peut recevoir la chefa'a s'il continue d'adorer cette créature. D'accord ? Donc non. Donc il faut qu'il y ait vraiment ces conditions-là. Et puis on avait vu, donc on avait commencé... la troisième règle, d'accord, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est apparu chez des gens qui divergeaient dans leurs adorations, d'accord. Certains adoraient des statues, des arbres, des différentes choses, le soleil, des créatures, etc., etc., d'accord. Donc, qui adoraient des créatures, et différents types de créatures, que ce soit des animaux, des vaches, des serpents, des arbres, des planètes, des étoiles, des djinns, des gens qui sont morts, d'accord. Donc, toute créature. Donc, ils divergeaient dans leurs adorations, d'accord. Il est apparu, c'est ce genre, sur des peuples comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que malgré leur divergence dans leurs adorations, certains adoraient des prophètes, certains adoraient des hommes pieux. Certains adoraient des pierres et tout cela. Donc, ils différencient dans les différentes adorations. Ces gens-là différencient dans les différentes adorations. Certains adoraient des impieux, d'autres adoraient des pierres. Certains adoraient des prophètes, d'autres adoraient des arbres, etc., etc. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a tous combattus sans différencier entre ces gens-là. Qu'il adore un homme pieux ou qu'il adore une pierre, c'est la même chose, il adore autre qu'Allah. D'accord ? Barakallahu fik. Et donc on s'était arrêté sur ce point-là, sur le fait, ce que disait le cheikh, الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء الصالحين لم يفرق بينهم. D'accord ? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu donc les différents polythéistes, que celui qui adore les anges ou qui adore les hommes pieux ou les bien-aimés d'Allah, eh bien il les a combattus tous sans différencier entre eux. فهذا فيه رد على الذين يقولون الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالح وملكا من الملائكة لأن هؤلاء يعبدون أحجارا وأشجار ويعبدون جمادات أما الذي يعبد رجلا صالح وولي من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام. Et donc ça, c'est une réfutation, hein, le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم a combattu tous ces différents types de polythéistes. Qu'il adore un homme pieux ou une pierre ou quoi que ce soit, il les a tous combattus sans différencier entre eux. Ça, c'est une réfutation à ceux qui prétendent légitimer le fait de dire que, mais attends, on différencie entre quelqu'un qui adore une pierre et quelqu'un qui adore un homme pieux, ou qui adore un ange, ou qui adore un prophète. Eux, ils croient que parce qu'il adore un ange ou un homme pieux ou un prophète, il n'est pas au même statut que celui qui adore une pierre ou une tombe ou je ne sais pas quoi, d'accord ? Ou un an. Il dit, celui-là, c'est un homme pieux qu'il adore. Regarde la Shoba qui dit, tu vois, mais non, c'est quelqu'un que... Et jamais ils vont te dire que Ya'bud. Ils vont jamais te dire ça. Il est en train de Ya'bud. Dès que tu vas aller voir des gens qui vont aller voir... Bled, j'avais vu une personne âgée. Je la voyais se diriger dans... comment que s'appelle le mausolée là, de Sidi Mahez là. Et je disais, mais... Pourquoi ils rentrent là-dedans et ils vont adorer autre qu'Allah? Ah non, on adore qu'Allah. D'accord? Donc, ils n'arrivent pas en fait à concevoir que les invocations qu'ils font pour autre qu'Allah, c'est une ibadah. Ça sort de l'islam. Ils se disent, mais je suis juste en train de lui demander. Yani, eux, ils ont cette croyance-là. Hein, qu'en lui demandant, lui, il va les entendre et puis il va répondre à leur appel. Ils ont délaissé Allah, Azza wa Jal. Et donc, ils ne voient pas ça comme une ibadah. Tu vois? C'est pour ça qu'il se dit, mais non, on doit. Et lorsque tu leur dis de ne pas faire ça, il te dit, mais on doit respecter les awliya, oui ou non? Subhanallah. Il dit comme si que tu leur disais de ne pas les respecter. Non, barakallahu fikum. On respecte les awliya, il n'y a aucun doute sur cela. Cependant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le premier de tous les awliya, d'accord? La meilleure créature d'Allah azza wa jalla. On le respecte, mais il nous est interdit de l'invoquer en dehors d'Allah. Et surtout qu'un mort ne l'entend pas. D'accord. Et le mort, barakallahu fik, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, lisez le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui envoie son salam sur moi, qui dit Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Eh bien, ce salam-là n'atteint pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam directement. Mais Allah Azza wa Jal envoie les anges pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, donc le mort n'entend pas. Ça passe par Allah. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui envoie les anges pour informer que un tel a envoyé le salam. Bien, et Allah Azza wa Jal donc lui envoie le salam 10 fois sur celui qui l'a dit. Non, donc tu vois, barakallahu fikum. En fait, les gens ils font le contraire de ça. Donc quand les anges viennent voir le prophète pour l'informer, et là ils l'informent et lui, voilà, il rend. Donc, il vient le voir dans la tombe, en fait. Oui, exactement. Non. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui envoie donc les anges. Barakallahu fikum. Donc, alors, ça, donc, c'est une réfutation, comme on disait, que ceux qui veulent dire qu'il y a une différence entre celui qui adore des gens, des hommes pieux ou des prophètes, de celui qui adore des pierres ou des arbres. Non. Tant qu'ils se mettent à invoquer, donc adorer autre qu'Allah, il n'y a pas de différence sur leurs croyances, ce sont tous des polythéistes. N'importe quel individu qui se met à invoquer ou adorer autre qu'Allah, donc invoquer, donc adorer autre qu'Allah, eh bien c'est un polythéiste. D'accord ? Et il dit وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَعْبُدُ الْقُبُورِ الْآنْ يَخْتَلَفْ حُكْمُهُ عَنَ الَّذِي يَعْبُدُ الْأَصْنَامِ فَلَا يَكْفُرْ وَلَا يَعْتَبَرْ عَمَلُهُ هَذَا شِرْكًا وَلَا يَجُوزْ قِتَالُهُ. Donc il dit le cheikh Hafidhullah, donc qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là en fait en disant cela? Ils disent que celui qui adore les tombes, qui va aller voir Sidi je sais pas quoi, ils disent eh bien son jugement diffère de celui qui adore des statues. D'accord? Et donc ils veulent dire que il est en train d'adorer un homme pieux qui est mort, qui est en train d'invoquer un homme pieux qui est mort, et il croit qu'en l'invoquant et en l'adorant, il le respecte. D'accord ? Eh bien, et ils disent que ça ne le rend pas mécréant. D'accord ? Et donc ceci, et que cela, son action, ce n'est pas du shirk. Ceci, bien sûr, c'est faux. Donc là, on continue, inshallah. Fanaqul ar-rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, lam yufarraq baynahum. Le prophète, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas différencié entre eux, ces différents types d'individus. Bal a'tabarahum mushrikin kullahum. Il les a considérés tous comme étant des polythéistes. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Et il a rendu licite leur sang et leurs biens. Wa lam yufarraq baynahum. Et il n'a pas différencié entre eux. Walladhina ya'buduna al-masih. Ceux qui adorent le Messie. Wal-masih rasulullah. Et le Messie, c'est un envoyé d'Allah. D'accord ? Et malgré qu'ils ont adoré le Messie, Isa, ce qu'ils appellent Jésus, donc eux, ils se mettent à adorer Jésus, qui est un envoyé d'Allah, malgré qu'ils se mettent à adorer, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, parce qu'ils adoraient autre qu'Allah. D'accord ? واليهود يعبدون عزير et les juifs adorent عزير وهو من انبيائهم او من صالحهم et عزير était un de leurs prophètes un des prophètes des enfants d'Israël ou bien un homme pieux parmi les enfants d'Israël d'accord et les juifs l'adoraient d'accord قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم et le prophète صلى الله عليه وسلم malgré cela eh bien il les a quand même combattus. Pourquoi ? Parce qu'ils invoquaient et adoraient autre qu'Allah. لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمْ Ils ne différenciaient pas entre eux. فَالشِّرْكَ لَا تَفْرِقْ فِيهِ بَيْنَ مَنْ يَعْبُدُ رَجُلًا صَالِحْ أَوْ يَعْبُدْ صَنَمًا أَوْ حَجَرًا أَوْ شَجَرًا لِأَنَّ الشِّرْكَ هُوَ عِبَادَةُ غَيْرُ اللَّهِ كَائِنًا مَنْ كَانْ وَلِهَذَا يَقُولْ وَاعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَكَلِمَةَ شَيْئًا في سياق النهي تعم كل شيء تعم كل من أشرك مع الله عز وجل من الملائكة والرسل والصالحين والأولياء والأحجار والأشجار donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh Hafidhullah il dit eh bien tout cela toutes ces différentes adorations là qu'ont été vouées à des prophètes ou à des hommes pieux d'accord ou que ce soit voué à n'importe quelle créature que ce soit des pierres, des statues, de tout ce qu'ils veulent, des arbres, d'accord ? Il dit, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas différencié entre eux, il les a tous considérés comme des associateurs, des polythéistes. Il dit, parce que le polythéisme, l'associationnisme, on ne différencie pas, lorsque c'est du polythéisme, on ne différencie pas entre quelqu'un qui adore un homme pieux ou quelqu'un qui adore une statue. D'accord ? Voilà. ou bien qui adore une pierre, ou bien qui adore un arbre. Parce que comme je vous disais la dernière fois, il y en avait une personne, subhanallah, il y a quelques années de cela, c'est un Irakien, il m'avait dit, qui était à Edimbourg là-bas, il m'avait dit, oui, il y a encore eu un arbre là-bas en Irak, parce que les gens y vont, et puis ils mettent des choses dessus pour avoir la baraka, tu vois. Subhanallah, yani, tu vois, ce sont des gens qui récitent, la Fatiha qui prie « Oh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in »« Oh Allah, c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons le secours. » Subhanallah, ils disent « C'est toi que nous adorons. » Et puis, ils vont aller voir un arbre pour rechercher une baraka et pour demander à un arbre de leur faire je ne sais pas quoi. Subhanallah. Yani, où est l'intelligence dans ça? Et après, ils se font passer pour des gens qui sont intelligents. La ilaha illallah. Donc, tout cela, c'est de l'associationnisme. Il n'y a pas, on ne commence pas à différencier dans le polythéisme. Tu adores ou tu invoques autre qu'Allah, ou tu places ta confiance en autre qu'Allah, ou tu crains une chose comme tu crains Allah, ou tu aimes une chose comme tu aimes Allah, tout cela c'est de l'associationnisme. Ou tu jures sur une chose en lui donnant de l'importance sur la chose que tu jures, ça c'est du shirk akbar qui annule l'islam. C'est-à-dire que du shirk asrar, celui qui va jurer sur la tête de sa mère ou sur le Coran, sur des choses, tu vois, comme ça. Mais s'il va donner de l'importance sur la chose dont il jure, comme parmi les soufis en Égypte, Al-Badawi, Ils ont peur de, s'il jure par al-Badawi, pour lui c'est mieux de jurer sur al-Badawi, il est plus véridique que de jurer sur Allah Azza wa Jal. Non mais de toute manière, on ne peut pas que Ernie, qu'on donne de l'importance à cette chose ou qu'on ne lui donne pas d'importance, on ne peut pas jurer par autre qu'Allah. Exactement, c'est strictement interdit. Exactement, parce que tout ça, ça fait partie du shirk. Qu'il soit celui qui ne donne pas de l'importance sur une chose dont il jure, c'est du shirk asra. Ça reste du shirk. D'accord ? Et celui qui... Mais ça ne l'exclut pas de l'islam, ça. Si c'est mineur. Mais celui qui jure en donnant de l'importance sur la chose qu'il jure, d'accord ? En ayant le cœur lié à cette chose-là. Tout cela sur la tête de sa mère et tout cela, ça c'est du shirk asrar, parce qu'il a juré sur autre qu'Allah. Et ça c'est haram. Ça fait partie des péchés majeurs, mais c'est de l'associationnisme mineur qui n'exclut pas de l'islam. Celui qui exclut de l'islam, c'est lorsqu'il va jurer sur une chose, ou est-ce qu'il craint que cette chose-là, s'il va jurer dessus, ben, comme par exemple, je vous disais... Au même pied qu'Allah, en fait, comme tu l'as expliqué tout à l'heure... Au même niveau, d'accord, ils vont lui donner au même niveau qu'Allah Azza wa Jal. Donc, dès qu'on avait fait le cours, d'ailleurs la traduction du cours qui était en livre PDF là, sur les types d'associationnisme mineur, j'avais rementionné ça dans le cours de Cheikh Al-Aslan. C'est que, il disait le cheikh, c'est que il y avait dans un village un homme qui avait fait quelque chose ou volé, je ne sais plus quoi. Et donc le juge lui disait de jurer, et lui il jurait comme ça sur Allah Azza wa Jal sans gêne. D'accord ? Sans gêne. Ensuite, lorsque il lui a dit jure par le Badawi, il a eu une de ses peurs. Il ne voulait pas jurer par al-Badawi, parce qu'il s'est dit que s'il jure sur al-Badawi en mentant, eh bien, il risquait de, al-Badawi risquait de lui faire quelque chose à sa maison, ou lui apporter un malheur, ou quoi que ce soit. Donc, il craint al-Badawi comme il craint Allah Azza wa Jal. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Oui. Et ça, c'est du shirk akbar, celui qui fait ça. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont jurer par Allah, il y en a même qui jurent par un ennemi, tu vois, c'est pas permis, de toute manière, quoi qu'il arrive. Mais à partir du moment où mon matelas doit jurer sur la tête de leur enfant, tu vois, ils ont cette peur qu'il leur arrive quelque chose. Ils ont une peur que ils vont lui donner de l'importance. Quoique maintenant, sur jurer sur le Coran, il y avait une parole de Cheikh Mohammed bin Salah al-Taymi qui disait le Coran, ça fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et donc, il a une parole dans cela où est-ce qu'il dit, eh bien, s'il jure sur le Coran, ça fait partie des attributs d'Allah. D'accord ? Cependant, ce qui est interdit, donc il y a une différence entre jurer sur Allah Azza wa Jal en se disant que le Coran c'est la parole d'Allah et prendre le mashaf, c'est-à-dire en jurant sur le Coran, c'est-à-dire le couvercle, les pages, d'accord ? Il y a une différence dans cela, d'accord ? Donc il y a une différence dans cela. Mais penses-tu vraiment que les jeunes du quartier, ils vont penser que le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est un attribut d'Allah, et donc il va jurer ça. Lui, il jure sur le couvercle, les feuilles, d'accord ? Donc, et ça, c'est pas permis, ça. D'accord ? Qu'Allah les guide et nous guide, amin. Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit, il n'y a pas de différence dans cela. D'accord ? Il dit pourquoi ? Parce que l'associationnisme, et shirk, c'est quoi ? C'est l'adoration à autre qu'Allah, voué à autre qu'Allah, peu importe qui est la créature pour qui l'adoration lui est vouée. Il dit, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction au sens du verset, et adorez Allah et ne lui associez rien du tout. Et il dit, shay'a, il dit la parole, shay'a, c'est-à-dire rien du tout, d'accord ? Ceci implique une interdiction qui englobe toute chose, c'est-à-dire interdit total, d'accord, d'associer quoi que ce soit à Allah Azza wa Jal. Ça interdit également tout ce qui est associé à Allah, tel que, parce que total, de toute façon, tout ce qui est associé à Allah Azza wa Jal, que ce sont les anges, ou bien les envoyés, ou bien les hommes pieux, les envoyés d'Allah, ou bien les hommes pieux, ou bien les bien-aimés, ou bien les pierres, ou bien les arbres. D'accord ? Ensuite, dans ce qui est dans la troisième règle, au dalil qawluhu ta'ala, wa qatiluhum hatta la takun fitna wa yakunu ad-din kulluhu lillah. Et combattez, dans la traduction du sens du verset, et combattez-les tous jusqu'à ce qu'il n'y a plus de fitna, littéralement, ce qu'il n'y a plus de trouble. D'accord ? Littéralement. Après, il y a l'explication. Donc, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de trouble et que la religion soit totalement à Allah. Ay dalil ala qital al mushrikin min ghayri tafriq baynihim hasb ma'budatihim qawluhu ta'ala wa qatiluhum. La preuve que les associateurs doivent être combattus sans différencier entre eux, qu'il adore un homme pieux ou un prophète ou une pierre ou une tombe ou un arbre, eh bien, cela se trouve dans la parole d'Allah de Sourate Al-Anfal, verset 39, où Allah Azza wa Jal dit « Et combattez-les tous ». Et cela englobe « وَهَذَا عَامٌ لِكُلِّ الْمُشْرِكِينَ » Cela est général pour tous les associateurs. « لَمْ يَسْتَثْنِي أَحَدًا » Il n'y a pas d'exception, d'accord, parmi les associateurs. « ثُمَّ قَالَ حَتَّ لَا تَكُنْ فِتْنَةً » Puis Allah Azza wa Jal a dit « Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de fitna, de trouble, littéralement. » Et il a dit, et la fitna, le trouble, c'est quoi? C'est shirk, c'est-à-dire l'associationnisme. « Ay, la yujet shirk » jusqu'à ce qu'il n'y a plus, c'est-à-dire les combattre jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'association. « Wa hadha amun ay shirk » Et ceci est général, c'est-à-dire n'importe quel type d'associationnisme. D'accord ?« Sawa shirk fil awliya wa salihin » Que ce soit de l'associationnisme des hommes pieux ou des bien-aimés, ou bel ahjar, ou bel ashjar, ou bel shams, ou bel qamar, ou bien des pierres, ou bien des arbres, ou bien du soleil, ou bien de la lune. C'est-à-dire qu'ils adorent des hommes pieux, ou bien des prophètes, ou bien des bien-aimés d'Allah, ou bien des pierres, ou bien des tombes, ou bien le soleil et la lune. Peu importe, d'accord ? Tout cela, il n'y a pas de différence entre cela. Wa yakun ad-din kulluhu lillah, que la religion soit totalement à Allah, takun al-ibada kulluha lillah, c'est-à-dire que l'adoration soit exclusivement à Allah, complètement et totalement à Allah Azza wa Jalla seul. Laysa fiha sharika li ahad ka'inan man kan, il n'y a aucune association avec quelqu'un d'autre, peu importe qui il est. فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشِّرْكِ بِالْأَوْلِيَ وَالصَّالِحِينَ Il n'y a pas de différence entre l'associationnisme avec les bien-aimés et les hommes pieux, أَوْ بِالْأَحْجَارِ أَوْ بِالْأَحْجَارِ ou bien avec يعني les pierres ou les arbres, أَوْ بِالشَّيَاطِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ ou bien que ce soit l'adoration des arbres ou des diables ou autres. وَقَالَ وَالدَّلِيلَ الشَّمْسِ Il a dit donc la preuve du soleil, الشمس والقمر قوله تعالى. Donc la preuve concernant qu'il y a des gens qui adorent le soleil et la lune, il a rapporté une preuve aussi dans les quatre règles. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Il dit la preuve, eh bien c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. Parmi ces signes, les signes d'Allah, il y a la nuit et le jour. Le soleil et la lune, ne vous prosternez pas ni pour le soleil ni pour la lune. D'accord ? Il dit le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, dalla ala anna hunaka man yajjudu lish-shams wal-qamar. Ceci est une preuve qu'il y a des gens qui se prosternent pour le soleil et la lune. Wa li hadha naha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam 'an as-salat 'inda tulu'i ash-shams wa 'inda ghurubiha. C'est pour cela que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la prière lors du lever du soleil et lors de son coucher, d'accord ? Pour bloquer toute tentative d'imitation aux polythéistes, d'accord ? لِأَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَجْجُدُ لِلشَّمْسِ عِنْدَ تُلُوعِهَا وَيَجْجُدُ لَهَا عِنْدَ غُرُوبِهَا Il y a des gens... Parce qu'il y a des gens qui se prosternent pour le soleil lorsqu'il se lève et qu'ils se prosternent pour le soleil lorsqu'il se couche. Parce que vous savez qu'il est interdit de prier après la salat du Fajr. Lorsque tu as prié le Fajr, il t'est interdit de prier. D'accord ? Il faut que tu attendes que ce soit après le shuruq. Après le shuruq, pas pendant le shuruq, après encore. Et qu'il est interdit de prier après la salat du Asr. D'accord ? L'exception faite, ce sont toutes salettes qui a une cause. Toutes salettes qui a une cause. Tahiyat Masjid, tu rentres dans la mosquée, Tahiyat Masjid. Mais si tu es déjà dans la mosquée, voilà, si tu es chez toi, et tu te dis, alors que tu as déjà prié le Fajr, et que le soleil n'est pas encore... Si tu veux me faire deux rak'at comme ça, il ne t'est pas permis. S'il a fait l'oudou, certes, c'est une sunna de faire deux rak'at après l'oudou. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on a été interdit, parce qu'il y en a qui se prosternent. Ils se prosternent pour le soleil, ils se prosternent pour la lune, ils se prosternent pour le soleil lorsqu'il se lève, ils se prosternent pour le soleil lorsqu'il se couche. Subhanallah. Oui, dans le hadith en fait, dans le hadith, ça rentre dans la sunna parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal, radiallahu anhu, que fais-tu? Car j'ai entendu tes pas qui me précédaient au paradis. Donc, que fais-tu pour avoir cela? D'accord? Donc ça, c'est une réfutation pour la secte Bouchichia qui prétendent que le prophète Hassan connaît l'invisible. Donc le prophète Hassan pose la question à Bilal parce qu'il ne savait pas. D'accord? Donc il lui dit, que fais-tu? Donc il ne connaît pas l'inconnaissable, le prophète Hassan. Et Allah Azzawajal lui a dit, قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Dit, je ne connais pas l'invisible, l'inconnaissable, d'accord? Et donc il lui a dit, que fais-tu? Il lui a dit, bien, chaque fois que je perds mes ablutions, je les refais et je fais de la crainte. Mais quand c'est dans ce présent, il est peut-être allé un peu plus loin, mais si tu fais ces ablutions et que ça arrive après la rasseur. Non, justement, c'est bon. Non, c'est une salette qui a une cause. C'est une habitude qu'il avait. Voilà, c'est une habitude, c'est une salette qui a une cause. Ça, c'est une salette qui a une cause. Voilà. Et ça nous donne. En fait, en faisant les ablutions, c'est une erreur. Voilà. On disait justement que ça nous donnait une preuve parce que forcément, tout au long de sa vie, on imagine bien que Bilal a dû perdre ses ablutions, bien sûr. Voilà, donc et là, voilà, barakallahu fikum. Donc ça, c'est barakallahu fikum. Ce sont les exceptions à ce qu'on avait mentionné. Mais là, on a été interdit donc de prier pendant ces deux horaires-là, lorsqu'il se lève et lorsqu'il se couche. D'accord ? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui adorent le soleil. Hein. Une femme qui avait dit à ma femme, parce que ma femme, elle croyait que c'était une musulmane, celle-là. Et elle lui a dit, nous, on adore le soleil. A'oudou billah. Oui, subhanallah. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas dit alors dès qu'il fait gris et puis il y a des nuages, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sentent mal, ces gens-là, ils ne peuvent pas adorer. Et dès qu'il fait nuit, qu'est-ce qui leur arrive? Alors ça doit être un carnage toutes les nuits. Hein. Subhanallah, yani, Allah al-Musta'an. Mais vous voyez, yani, lorsqu'on parle de shirk, il ne faut pas croire que ce sont des choses. Mais ça, c'était avant. Ce sont des choses. Les choses que je vous disais, que je voulais vous rapporter. Vous voyez ça là, c'est ça que je vous disais la dernière fois. Ça là, donc ça, ils vont te mettre les 99 noms ici d'Allah Azzawajal. Et ici, vous voyez, regardez, ils écrivent Bismillahirrahmanirrahim, d'accord ? Au nom d'Allah, tout miséricordieux, très miséricordieux. Et sur chaque coin ici, ils invoquent un ange. Ya Mikaïl. Ya Jibril, ya Israël, ya Israfil. Et ils disent Israël. Et encore, je crois qu'il n'y a aucune narration authentique concernant Israël, tu vois. L'ange de la mort. L'ange de la mort, il n'y a aucune narration authentique disant que l'ange de la mort, il s'appelle Israël. Ah bon? Ouais. Et donc le truc, c'est quoi? C'est qu'ils mentionnent en disant ya, ils sont en train d'invoquer ces gens-là. Ensuite, ils disent quoi? Cheikh Lalban l'avait mentionné, il avait dit il ne connaît aucune preuve sur ça. Donc, les gens ils disent ouais, si tu vas vite avec la moto, il a Israël devant lui, ce que veut dire, subhanallah. Donc, barakallahu fikum. Ils disent quoi? Ils disent ensuite, ils disent hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous est suffisant. On comprend que c'est un ignorant d'ignorant qui a écrit ça. Il dit Allah nous est suffisant, mais pourquoi alors il va invoquer les anges? Subhanallah. Ils te disent, please keep this naqsh in your pocket for khayr wa barakat. and protection against evils and enemies. S'il vous plaît, gardez ce naqsh, ça, dans votre poche, pour recevoir du bien et de la baraka, et pour être protégé des diables et des ennemis. Ça, c'est du shirk. Si l'individu croit que ce petit morceau de papier là, tu vois, qu'on peut déchirer, qu'on peut brûler, qu'on peut, d'accord, peut leur apporter à la moindre bien, et que s'il ne l'a pas, ça peut avoir un impact sur leur vie ou quoi que ce soit, c'est du shirk akbar, ça. D'accord ? En pensant que c'est cela qui lui ramène le risque. Si c'est ça, c'est aqidah. Que ça lui ramène le risque, c'est du shirk akbar. Alors que c'est Allah Azza wa Jalla qui donne. Donc il a associé à Allah. D'accord ? Et s'il croit que c'est une cause pour recevoir le risque d'Allah Azza wa Jalla, c'est du shirk asghar. Il y avait une mushrika qui avait ramené ça. Shiva Trust. On voit que ça doit être une alcoolo, celle-là. Celle-là, c'est une secte qu'elle a, d'accord. Il y avait un ignorant là, parmi les musulmans qui... il y avait une de ses adeptes là qui récoltait de l'argent, je vous disais, pour éditer des livres sur le polythéisme et les distribuer concernant leur, sa secte. Donc, elle dit celle-là, là, cette dame-là, là, cette anglaise-là, d'accord. Est-ce que Dieu existe? Pourquoi sommes-nous ici? D'accord. Où allons-nous? D'accord. Does anyone know the answer? Y a-t-il quelqu'un qui connaît les réponses? We believe, on croit que Sadhguru, c'est une gourou, hein, Sri Ramana, a les réponses. Pour connaître plus de philosophie, elle a mis son numéro de portable et tout cela. Et c'est même une organisation qui récolte des fonds, vous voyez, en Angleterre. Subhanallah. Donc, cette dame-là... Elle s'affilie l'islam? Non, elle s'affilie pas l'islam. C'est une secte, je sais plus quoi, là, bouddhiste, hindoue, là, je sais pas quoi. Là. Une des sectes polythéistes. Et ce qu'il y a, c'est que ces gens-là, ils récoltent des fonds pour... Et un frère qui était un gel, qui suivait la... Je présume qu'il est sur la voie des Ikhwan, de la secte des frères musulmans. Il croyait qu'en lui donnant de l'argent, il allait montrer un bon comportement. Subhanallah. Eh, c'est pas parce que tu donnes de l'argent. Yani, moi, je parlais calmement. Et je lui disais des questions qui étaient claires. D'accord ? Je disais des questions qui étaient claires. Je lui dis, mais t'es sûr qu'elle peut tout faire, celle-là ? Elle m'a dit, oui. Je lui ai dit... Mon Seigneur que j'adore, qui est le créateur de tout l'univers, qui m'a créé moi et qui t'a créé toi, d'accord ? Et qui nous a tous créés, qui a créé toute chose. Lorsque tu marches et tu vois tout cela, il a tout créé. Fait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Alors si tu prétends ce que tu prétends, va aller la voir et demande-lui qu'elle fasse que le soleil se lève à l'ouest. Elle est devenue toute rouge. Et elle a commencé à paniquer et à dire, parce que je disais au frère de ne pas donner de l'argent. Je lui dis, subhanallah, mais attends. Et lui disait, mais attends. Et soi-disant, il voulait faire. Et je lui ai dit, donc là, toi, tu as contribué. Allah Azza wa Jal dit, wa ta'awnu ala al-birr wa taqwa. Wa la ta'awnu ala al-ithmi wa al-'udwan. Entraidez-vous dans le bien et la piété. Et ça revient aussi au vote, encore. D'accord. C'est pareil. Pareil, ça, c'est ouais. Entraidez-vous dans le bien et la piété. C'est pas tu vas entraider dans le shirk et dans le haram et dans les interdits. Donc il dit. Ça, c'était, on a parlé de tout ça, barakallahu fikum, sur voilà pourquoi on a été interdit de prier dans ces deux horaires-là, que ce soit le lever du soleil et le coucher du soleil. D'accord ? Parce qu'à ces horaires-là, des mouchriquines adorent le soleil et bien et se prosternent lors de ces horaires-là. Donc, il lamma kana fi salat, fi hadha al-waqt, مشابهة لفعل المشركين منع من ذلك سدا للذريعة التي تفضي إلى الشرك والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن الشرك وسد ذرائعه المفضية إليه. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم est venu avec ce message-là d'interdire l'associationnisme, parce que cet acte-là, le fait. Pourquoi ça a été interdit, les salettes, dans ces deux horaires-là, au lever et au coucher? Parce qu'il y avait une ressemblance aux mouchriquines qui, eux, eh bien, se prosternaient au soleil. D'accord? Et donc ça, c'est pour bloquer toute ressemblance ou toute imitation aux mouchriquines. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé, notamment pour interdire l'associationnisme et bloquer toute voie qui mène à l'associationnisme. Mais tout le danger, c'est vrai, dans ce que tu dis, c'est c'est vraiment un rapport et c'est très, un lien vraiment très fort dans le sens que si on commence à rester dans ce pays-là, qu'on commence à ressembler à ces... Ben, il est là le danger, en fait, c'est d'où le fait de faire la hijra. Ben oui, parce que ça va déteindre. Ouais. Chacun, il va venir avec un discours, mais non, mais attends, mais si tu fais ça... Regarde, regarde les choubouhettes qui viennent. Ils te disent, mais si tu ne rapportes pas ta voix, tu ne montres pas que tu es là, tu n'auras pas de poids, et donc ils ne vont pas t'estimer. D'accord ? Et donc, ils ne vont pas te faciliter des choses ou quoi que ce soit. Tu peux avoir comme une sorte de lobbying s'ils voient que tu as un poids dans l'électorat. Tu dis, écoutez, vous ne faites pas ça, eh bien non, on ne votera pas pour vous. Style, on peut avoir ce qu'on veut. D'accord ? Mais barakallahu fi, comme les mosquées doivent être bâties sur la piété, la crainte pieuse envers Allah Azza wa Jal. Et le but ne justifie pas les moyens en islam. D'accord ? Donc c'est pas par exemple que on a un but qui est noble, la construction d'une mosquée ou bien peu importe le, quelque chose pour la communauté, un but noble qui est bénéfique pour eux, et le moyen utilisé c'est un moyen qui est haram. Non, il faut que le but et le moyen soient les deux halal, barakallahu fi. Donc ceux par exemple qui disent le comportement, exactement, barakallahu fi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont, mais non, un bon comportement. Eux, ils croient que le bon comportement, d'accord ? C'est non, mais en fait, c'est dans la définition du bon comportement qu'on n'est pas d'accord. D'accord ? Le bon comportement, c'est celui d'abord qui corrige sa relation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et qui se soumet à Allah Azza wa Jal et qui obéit à Allah Azza wa Jal, qui fait les obligatoires, délaisse les interdits et qui suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un bon comportement. Personne ne peut dire le contraire. Et aujourd'hui, ils ont effacé toute la partie de celle-là. Et pour eux, le bon comportement, c'est-à-dire que tu les félicites les kofars pendant leur fête, tu participes à leur fête de shirk et de kofr. Donc, c'est en fait de faire des interdits. Et ils te disent qu'ils ont un bon comportement. Ils désobéissent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils te disent qu'ils ont un bon comportement. Subhanallah. Déjà, si on commence, barakallahu fi, comme à désobéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on prétend avoir un bon comportement, c'est que soit on est un ignorant ou soit on est un hypocrite. Hein? Soit on ignore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit telle chose et a ordonné telle chose, et l'individu fait les interdits et délaisse les obligations, soit c'est un ignorant, ou soit c'est quelqu'un qui te nouffre, un hypocrite. Donc le bon comportement, ce n'est pas juste de faire un sourire au premier venu, et puis de faire le salam au premier venu. D'accord ? Un bon comportement, eh bien, c'est de se désavouer, notamment des gens de la bid'a, de ne pas leur donner le salam. Quelqu'un pourrait voir ça comme un mauvais comportement. Un jahil, il va dire, oh mais c'est quoi, il ne donne même pas le salam. Les gens de l'innovation et qui appellent à la bid'a, et qui appellent à l'égarement, on ne leur donne pas le salam. On les déteste en Allah. Et ça, c'est un bon comportement. Hein? Donc, tout est dans la définition. On sourit aux gens de la sunna. On aime les gens de la sunna. On se rapproche d'Allah Azza wa Jal par cet amour-là. Et on se rapproche d'Allah Azza wa Jal par cette animosité-là qu'on a des kofars et des mouchriquines et des innovateurs. Donc, ça, c'est le bon comportement. Donc, maintenant, si quelqu'un croit qu'un bon comportement, ça se limite au rasage du visage et puis à compromettre tout dans la religion et puis le but justifie le moyen, ça, c'est pas un bon comportement. D'accord ? Donc, après, ils auront beau crier sur leur mimbar, il faut voter, t'es pas un vrai musulman, t'es pas un je sais pas quoi. Donc, ça, ce n'est pas l'islam, ça. D'accord ? Ça, ce n'est pas l'islam et c'est pas avoir un bon comportement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Il aurait été sincère vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Il aurait dit, mes frères et sœurs, craignez Allah Azza wa Jal, lorsque ce sont, parce que tout ça, ce sont des fitanes. Alors, reste chez toi, tiens ta demeure. Déjà, commence à appliquer les ordres d'Allah et écarte-toi des interdits dans ta demeure. Commence à l'appliquer sur toi-même, dans ta demeure, d'accord ? Et écarte-toi de toutes les fitanes. Pourquoi tu vas te lancer dans des fitanes ? Et tu sais pas ce que ça va aboutir. Ils ont encouragé, il y a 5 ans, les gens, va voter pour le moins pire, pour le moins pire. Et ça a couché quoi ? Hein, du mariage entre les homosexuels, tout cela. Alors qu'ils ont, eux, une part dans ce ithm-là. Subhanallah. Qu'est-ce qu'ils vont dire devant Allah Azza wa Jal ? Mais non, on croyait que... Mais déjà, on te dit, subhanallah, et on reste à le répéter, écarte-toi des problèmes. Pourquoi tu te mets dans les problèmes vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal ? Crains Allah. Tu vois, les péchés... Regarde parmi les paroles des pieux prédécesseurs. Ils disaient que les péchés qu'ils commettaient lorsqu'ils rentraient chez lui... il voyait le résultat de ses péchés sur sa famille. A'oudou billah. Qu'Allah nous en préserve. Personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Donc déjà, on doit essayer de... Si on réussit à se remettre en question, c'est déjà énorme. D'accord ? Alors commencer à aller sur les... C'est très bien, c'est la première chose qu'on doit commencer à faire. Nous, on pense qu'il faut se réformer nous-mêmes. Chacun, il se réforme. Et c'est comme ça que la communauté se réformera. Et ce n'est pas de dire aux gens, foncez sur un mur et puis après on verra le résultat. Non, c'est, on se réforme, on essaie de craindre Allah Azza wa Jal. Fais un pas vers Allah Azza wa Jal. Repens-toi, Allah il accepte le repentir. Allah Azza wa Jal a ouvert la porte du repentir, elle est ouverte. Il n'y a qu'à deux temps qu'elle est fermée, lorsque la personne est en train de mourir et lorsque le soleil se lève à l'ouest. Donc, Allah, il a bien dit aussi que ne changera pas l'état d'un peuple tant que celui-ci. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il se change de par lui-même, subhanallah. Donc, Allah al-Musta'an. Donc, c'est pour ça, lorsqu'il y a tout cela, barakallahu fikum, il faut qu'on donne qu'est-ce qui est le bon comportement pour lui. Donc, ce n'est pas de désobéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, faire un péché majeur comme laisser ses vêtements sous ses chevilles. Et croire qu'il faut qu'on ait un bon comportement avec cela, et puis venir, tac, je sais pas. Yahi, subhanallah, barakallahu fik. Tu désobéis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit de façon apparente, ou que ce soit dans la aqida, ou que ce soit dans le ménage, et tu dis qu'il a un bon comportement, subhanallah. Donc là, c'est prendre quelque chose et le mettre à sa sauce. D'accord ? Vous voyez la différence entre revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs et revenir à la compréhension des philosophes. Et des égarés, qu'Allah nous en préserve. Donc, wa dalil al-anbiya, qawluhu ta'ala, et on va terminer avec ça, inshallah. Wa dalil al-anbiya, qawluhu ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Et ce verset-là est dans sourate Al-Ma'ida. Donc il dit le cheikh, هذا فيه دليل على أن عبادة الأنبياء شرك مثل عبادة الأصنام ففيه رد على من فرق في ذلك من عباد القبور فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن الشرك عبادة الأصنام ولا يسوي عندهم بين من عبد الأصنام وبين من عبد وليا أو رجلا صالح وينكرون التسوية بين هؤلاء ويزعمون أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط وهذا من المغالطة الواضحة من ناحيتين. Et donc là, il va donner les différents points. Donc il dit le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah concernant barakallahu fikum, la preuve sur qu'il y a des gens qui adorent les prophètes l'anbiya. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans sourate Al-Ma'ida et c'est le verset 116. Dont je vais vous donner la traduction du sens du verset. Et lorsque Allah Azza wa Jal dit à Isa, fils de Marie, au Jésus, en français, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ? Il dira, yani Isa, alayhi salam dira, gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. D'accord ? Est-ce qu'il y a besoin d'être un super intellectuel ? Il est clair le verset. Barakallofikum. Donc il dit le cheikh Saleh Al-Fawzan dans l'explication, Hafidhahullah, il dit, et ceci est une preuve que l'adoration qui est vouée au prophète, c'est de l'associationnisme. D'accord ? Tout comme l'adoration qui est vouée à des statues. C'est la même chose. D'accord ? Il dit, et ceci est une réponse, une réfutation, d'accord ? sur celui qui différencie entre celui qui différencie entre celui qui adore un prophète ou une statue ou bien les adorateurs des tombes. Il dit, c'est également une réfutation sur ceux qui disent l'associationnisme, le polythéisme, c'est l'adoration des statues. Et ils ne mettent pas égal l'adoration des statues, selon eux, avec l'adoration des bien-aimés d'Allah, des auliés d'Allah, ou bien des hommes pieux. D'accord ? Et ils renient le fait que ce soit égal entre quelqu'un qui adore un homme pieux et quelqu'un qui adore une statue. Il dit que c'est différent. Tu vois ? Sans voilà. Oh. Et ils prétendent que l'associationnisme est limité à l'adoration des statues uniquement. Ils pensent que celui qui adore une statue, ça, certes, ça c'est de l'associationnisme, c'est du polythéisme. D'accord ? C'est ce qu'eux ils considèrent. Et il dit, et ceci est une erreur claire en deux points. النهيه الاولى ان الله جل وعلا في القران انكر على الجميع وامر بقتال الجميع. Il dit, le premier point, c'est qu'Allah azza wa jalla dans le Coran a renié sur tout ce qui est adoré en dehors de lui, d'accord? Et il a ordonné que tout ce qui adore autre chose en dehors d'Allah soit combattu par la da'wa, le jihad, légiférer, d'accord? النهيه الثانيه, le deuxième point, أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم وعابد ملك أو رجل صالح. Et que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, deuxième point, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas différencié entre un adorateur d'une statue, un adorateur d'un ange ou un adorateur d'un homme pieux. D'accord ? Et il les a combattus sans différencier. Et on va s'arrêter là, puisque ça va faire une heure. Et puis, Inch'Allah, la semaine prochaine, on continuera la troisième règle en commençant par la preuve sur les hommes pieux. Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.